tu quittes en gloire la Judée. 2000 ans écoulés, enfin, tu vas sur la terre de Sinaï en humilité. Afin que